Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 80s et vous. 80s et vous, c'est une nouvelle émission de la galaxie 80s, le podcast, dont le concept est très simple. Je recevrai ainsi une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle ait marqué cette période par son actualité, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant celle-ci, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des années 80. Alors pour ce premier numéro, je reçois donc un invité que nous allons décrire dans quelques minutes. On va commencer par donc nom, prénom, date et lieu de naissance et profession, cher ami. À toi. Alors, nom, prénom, nom Molinaro, prénom Gianni, profession, je suis journaliste dans le domaine du jeu vidéo. Et date et lieu de naissance ? Le 10 octobre 1978 à Reims. Merci déjà d'avoir répondu favorablement à mon invitation pour ce premier numéro et du coup d'être un peu le parrain de ce concept 80s et vous. Bah, merci de m'avoir invité surtout. Déjà, on va quand même rappeler, comme tu l'as dit, tu es journaliste, un parcours principalement dans le jeu vidéo, mais tu n'es pas que journaliste. Tu as connu plusieurs époques dans le jeu vidéo. Moi, je me souviens de la période Jeux Vidéo Magazine où, pour être honnête avec toi, je pensais que c'était un pseudo. Ah ben non. Voilà, je me disais... Ils ont bien choisi ce prénom pour mon nom de famille totalement italien. Et donc toi, tu es actuellement chez Gameblog.fr. Absolument. Voilà, et puis tu as, entre guillemets, batifolé sur quelques autres activités, un podcast chez Radio JV, puis tu as écrit un livre également sur Castlevania, ouais. Une série que j'aime beaucoup, énormément, et on m'a proposé d'écrire dessus, parce que je suis assez fasciné par la mythologie de toute la saga et par les jeux, de manière générale, donc du coup, mes amis Mehdi El-Kanafi et Nicolas Coursier, qui sont aujourd'hui chez Third Edition, qui travaillaient chez Pixel Love à l'époque, m'avaient proposé de faire ça, et j'ai accepté immédiatement et sans réfléchir, et j'en suis plutôt content d'eux. Et franchement... Bel ouvrage, et donc dispo et chez Pix et bientôt chez Third Edition. Normalement, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Voilà. Donc ton pseudo, c'est Plume. Absolument. Ben, en fait, on ne va pas du tout utiliser ce pseudo pour cette émission, puisque nous, ce qui nous intéresse dans 80s et vous, c'est Gianni Molinaro. Alors, a priori, ayant écouté pas mal de choses et enquêté quelque peu, on connaît ton premier et ton troisième prénom. Donc Gianni et Italico. Exactement. C'est exact. Ouais. Mais quel est le deuxième ? Le deuxième, est-ce que faut vraiment que je, est-ce que je vais choquer la France, hein, tu sais, le deuxième. Alors, il faut savoir que mes deux autres prénoms sont des prénoms d'oncle que je n'ai pas connus, malheureusement, pour diverses raisons. Et donc, le deuxième est un nom qui date d'avant la guerre. Donc, il ne faut pas juger ce prénom. C'est le même prénom, tiens, que le héros du comics The Darkness. Si ça te dit quelque chose. Alors, j'ai fait le jeu. Ouais. Mais honnêtement, j'ai complètement oublié le prénom. Bon, alors c'est Jackie, voilà. G-A-C-K-I-E. Ok. Voilà. Non, mais on choisit pas son prénom, hein, tu sais. Après, voilà, aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être un peu, comment dire, démodé. Mais... Non, c'est pas ça. C'est que ça sonne bon, un peu tuning, quoi, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est chaud aussi. Dans les années 80, c'était... Et 90, c'était chaud, surtout, Jackie. C'est vrai. Jackie chaud. Le petit Gianni donc, est né en 1978, tu nous l'as dit. Quel gastronome en culotte courte était le petit Gianni à Reims dans les années 80 ? Gastronomie, oh là là. Alors, il faut savoir que je suis ultra difficile, ouais. Mais de catégorie insupportable. Je mange difficilement du poisson, pour ne pas dire pas du tout. Les fruits, je m'y suis mis par obligation il y a quelques années à cause de le slogan les 5 effets fruits les justement je suis l'illustration de que ce slogan et il faut l'écouter. Alors quand j'étais petit, honnêtement, moi c'était knacky, fort, benko à la cuillère, enfin tu vois, c'est des plaisirs simples, d'accord. Et puis des œufs au plat aussi, j'aimais surtout ces trucs là. Effectivement. Okay. Après, je me rappelle vraiment pas de tout en termes de nourriture. Et comme on disait chez Jacques Martin, ton plat préféré, les frites ? alors, mon plat préféré, quand j'étais petit, je sais pas trop. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le couscous. Mais quand j'étais petit, bien difficile de savoir. Je dirais que c'était peut-être le chocolat Côte d'Or quand j'étais petit. D'accord. Oh là, c'est quoi ? Ah non, c'était pas Merveille du Monde qui cartonnait. Non, Merveille du Monde, j'aime bien, mais sans plus. Le Côte d'Or, c'était miam, miam, miam. Ok. Bon, donc, et hormis ça, alors, des souvenirs familiaux, une relation avec des frères et sœurs Oh, bah, j'ai un grand frère et une grande sœur qui sont bien plus âgés que moi. Hein. J'ai 11 ans d'écart avec mon frère, 9 ans avec ma sœur. Donc, après, il faut, quand on est tout petit et qu'on a des grands frères et grandes sœurs qui sont adolescents déjà, on essaye de les copier un petit peu, de voir ce qu'eux ils font. Bon bah mon frangin évidemment c'était je pense que c'est mon premier modèle pour un peu tout déjà la passion des jeux vidéo et je lisais les hebdogiciels les tilt et, etc d'accord qu'il achetait et je me suis plusieurs fois amusé à essayer de programmer des lignes de code dans hebdogiciel je me suis amusé plusieurs fois à essayer de programmer ça n'a jamais fonctionné ah le truc où ça te dit erreur ligne temps et tu retapes tout comme erreur, sur les calculatrices line, voilà. Ah bah, ça j'y ai eu droit des dizaines et des dizaines de fois chaque fois que j'étais tout seul j'essayais voir si ça allait fonctionner mais en fait ça n'a jamais marché tu tapes un texte pendant une heure et demie et du coup juste pour faire clignoter l'écran plus que ça parce que j'étais pas grand et que j'avais pas la facilité que j'ai aujourd'hui de reconnaître l'emplacement des touches et donc là c'était vraiment du un doigt pour un caractère quoi donc c'était c'était tendu donc mais pour, tout ça pour un résultat complètement foutu donc voilà c'était un peu une grosse déception puis après bah, évidemment il y a d'autres éléments comme le foot avec mon frère toujours et mon père ou bien Star Wars aussi Star Wars, c'est un de mes premiers gros échecs aussi dans la vie. C'est que mon frère a voulu m'emmener le voir. Je crois que c'était en 81, hein, donc je devais avoir 3 ans. Et il a voulu m'emmener le voir au cinéma, à Reims. Je crois que c'était au cinéma de l'Opéra, même, si je me rappelle assez bien. Et en fait, c'était complet. Et du coup, on ne l'a pas vu. Et j'étais un peu dégoûté. Parce que, voilà, j'avais super envie de voir ça. Hein, c'était bizarre parce que j'ai ce souvenir-là alors que j'étais tout petit, mais je me rappelle très bien. Après, ayant pas mal d'écart avec eux, t'étais un peu leur protégé finalement. Il y a pas eu ce que c'est quand on est un peu dans les mêmes tranches d'âge qu'on peut être un peu en concurrence et autres. Donc t'étais Il y a jamais eu de concurrence. Après, je pense que j'ai dû être pénible. Mais ils avaient une ruse que je pense. Je trouve que c'était très efficace. Quand j'étais vraiment vraiment pénible, ils me menaçaient avec le clip de Thriller. qu'on avait enregistré donc hein, chez Drucker quand il était passé pour la première fois. On avait un petit magnétoscope V2000 qui était génial, qui déjà avait des cassettes recto verso, un truc que le VHS ne faisait pas et ça m'aura toujours rendu fou qu'on soit passé au VHS alors que c'était un format complètement pourri. Bah oui, parce qu'il y avait V2000, le Betamax et donc les VHS et au final c'est entre guillemets le moins bien qui s'est démocratisé quoi. Exactement. Et donc cette cassette sur laquelle il y avait le clip de Thriller, bah ils n'hésitaient pas à me l'agiter sous le nez parce qu'ils savaient que je flippais. Alors vraiment je flippais de ce clip. Et à raison, hein, quand on a 3-4 ans. Ah, bah oui, oui. C'est quand même. C'est très très violent, quoi, de voir Michael Jackson qui se transforme un coup en loup-garou, avec des zombies, le rire inquiétant à la fin de la chanson. Enfin, c'est. Le rire inquiétant sur le visage de Michael Jackson, avec les yeux jaunis et tout. Enfin, franchement. Je peux comprendre que ça puisse servir de menace, en effet. Ouais, alors qu'aujourd'hui, sur que les mots, mais ça leur fait plus rien. Ah, oui, ça, je pense que oui, ça doit les faire rigoler, effectivement. Are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Alors en termes de plaisir coupable, parce que c'est vrai que les uns et les autres, on a tous eu des périodes donc dans sa jeunesse où on est attiré par telle ou telle série, tel ou tel film ou autre chose ou objet, et c'est pas forcément partagé par tout le monde, et puis on a un peu honte, mais en fait on aime bien ça. Donc est-ce que toi tu peux nous citer quelques aspects de ces plaisirs coupables du Alors, petit Gianni Molinaro? Trop si c'est des trucs qui étaient pas populaires à l'époque par rapport à... Non mais dans ton cercle d'amis ou de copains. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je sais que entre les films d'Aldo Macchione complètement ringard, la Septième Compagnie. Alors le premier, par contre. Parce qu'après, il est remplacé par Henri Guibert. Voilà, c'est moi le premier avec Aldo Macchione, j'aime beaucoup. Ah bah oui, mais c'est ceux d'après que j'ai regardé le plus. Pareil pour les Bidas, enfin tu vois, ce genre de conneries. Mais c'est vrai qu'après, le truc que j'ai regardé le plus, je pense, c'est les deux. Y a-t-il un pilote? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? Airplane, je crois, dans leur titre original avec les frères Zucker et Jim Abrams, je crois, en producteur. C'est, enfin. ça, je les ai regardés en boucle et sans comprendre, sans tout comprendre à chaque fois, quoi. Il y avait des vannes que je captais absolument pas. À plusieurs degrés de lecture, oui, c'est un peu l'apanage de pas mal de films, effectivement. Mais je me marrais quand même, je me bidonnais, quoi, en le regardant. C'était juste génial, quoi. Et enfin, je pense que ça m'a. Enfin, je pense toujours que les Monty Python sont ce qui ont fait le plus pour mon sens de l'humour, mais c'est vrai qu'après ça, les Y a-t-il un pilote, ça m'a bien aiguillé aussi. Et t'es resté fan de ce genre de film ? Après, t'as basculé sur du hotshot, du Y a-t-il un flic pour sauver et ouais, choses comme ça. Bah ça, oui, évidemment, parce qu'après, au début des années 90, on en a eu beaucoup, hein, des comme ça, et certains étaient très réussis, mais c'est vrai que, par exemple, je sais pas, je vais prendre. Alors attends, c'est Scary Movie par exemple, tu vois, ça me fait Alarme fatale, tout ça, moi ça me fait pas rire. Enfin, il y en a eu quelques-uns ces 15-20 dernières années qui étaient. Le pire, je crois que c'était dans les années 90, il y en a un qui s'appelait Le Silence des Jambons, qui était. Oh là là ! Affligeant, mais alors affligeant. Je crois que j'ai jamais vu un film aussi pourri de ma vie. Que Freddy Godfinger, mais ça c'est un autre truc. Je te laisserai te renseigner là-dessus. C'est un des pires films de tous les temps aussi. Et donc mais ce genre de film, effectivement, ça m'a fait marrer peut-être jusqu'au milieu de l'adolescence, mais après c'était plus trop ça, quoi. Mais fais pas peur. Voilà pourquoi plus beau que moi. Ciao bambine, capitaine. Bon, et sinon, est-ce que tu étais secrètement amoureux d'une star, de vedette, de femme forcément plus âgée, qui était un peu l'idéal féminin si qui te représentait ? Elle n'était pas si âgée que ça à l'époque. Nana Mouskouri, oui, je la trouvais très belle, moi, quand j'étais petit. Après, la vision. Alors, Nana Mouskouri, qu'est-ce qui te subjuguait et qu'est-ce qui te rendait amoureux à l'époque ? Ben, je la trouvais jolie. Enfin, tu vois, je me pose pas. J'avais pas de critères. Donc, t'es Bayonetta un peu, non ? C'est ça ? Peut-être qu'elle ressemble un peu à Bayonetta, effectivement, mais peut-être qu'elle a inspiré Bayonetta, on n'est pas au courant. Hein. Parce que moi, je l'ai plus dans la pub Wizard quand je chante. Ah ouais, mais non, non, non, tu vois, c'était pas bizarre, hein. C'était, je sais plus dans quelles occasions on pouvait la voir, à part la pub quand tu chantes Wizard, mais ouais, bah moi je la voyais sur des pochettes de disques et tout. D'accord. Et je la trouvais jolie, quoi. Et ça m'est resté, hein, parce que les brunes à lunettes sont pour moi le top du top. Mais bon, il y en avait d'autres, hein. Il y avait Kim Wilde. Que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Je crois que j'étais pas le seul d'ailleurs. Il me semble que Laurent Voulzy aussi. Ouais. Et bref. Tout à fait. Voilà. J'allais te le dire. Ouais. Mais Kim Wilde, dans ce nom, ce qui est marrant, c'est le côté donc Wilde pour sauvage. Ouais. Mais en fait, ça s'écrit avec un E. Et je l'ai toujours confondu avec Kylie Minogue. Je sais pas pourquoi. C'est pas la même coupe. Non, mais je sais pas. Je faisais le KI, je sais pas. Je me suis toujours mélangé les pinceaux entre Kim Wilde et Kylie Minogue. Oh, tu sais, il y en a qui confondent Joan Jett et Chrissy Hines. Ah oui. Et ça, je trouve ça plus grave. Ok, ouais, je suis d'accord. Donc une blonde, une brune, mais quand même plutôt la brune. Ah ouais, puis à lunettes. Complètement. Mais les lunettes, de toute façon, je cite Anna Mouskouri, mais après, il y avait une série des années 70 où j'ai pu apercevoir, je pense, une des plus belles femmes de tous les temps, avec des lunettes aussi. Hein. C'était Linda Carter dans Wonder Woman. Aïe, aïe, aïe. Ne m'entraîne pas sur ce terrain-là. Je suis entre elle et Catherine Bach dans Chérie, fais-moi peur. Ça fait partie des deux actrices de série. J'étais amoureux, moi. Ah ouais, non, mais Linda Carter, quand elle était déguisée. Quand elle était en militaire, oui. Ah ouais, voilà, c'est parfait. Bon. Voilà, c'était des petits. Pour les films et pour mes passions féminines, effectivement, c'est un peu coupable, je pense, aujourd'hui. Ouais, et puis alors, du coup, tu m'as indiqué quand même une petite passion pour Maggie, donc c'est Rosie Bart qui te. Les boucles d'oreilles, peut-être, la coupe l'amour du risque. J'avais une espèce de rituel le dimanche qui consistait à passer. Et je faisais chez tout le monde, hein. Vraiment, dans ma famille, j'emmerdais tout le monde parce que mon père, il voulait regarder les infos. Mais moi, je faisais Maggie, donc qui, je crois, passait de 7h à 8h. 7h30 à 8h, 7h30, 8h. Ah ouais, bah voilà, 7h30, 8h. 19h20, 25 à 19h55. Et bah après, il y avait Fraggle Rocks sur la 3. Et juste derrière, Benny Hill. Et Coco Shaker, je crois aussi, qui fait arriver après Benny Hill. Bah voilà, ça c'était mon petit rituel du dimanche. Tout ça après avoir pris un joli petit bain. Et bah, tu vois, ça c'était le truc. Ça te faisait parfait. Oublier qu'il fallait aller à l'école le lundi matin, quoi. Ah, mais j'avais un blues d'aller à l'école. Dès que ce rituel était terminé, pareil, à la fin de Maggie, moi j'étais pas bien. Tu pas béni les. Bah non, j'avais pas le choix, puisque une seule télé, rituel du journal télévisé, voilà. Ah. Ok, et après tout ce qui est Dorothée et choses comme ça, t'as suivi un peu tout ça, j'imagine. Ou toi, t'étais de quelle école? T'étais D'abord Croque-Vacances. Ouais, Croque-Vacances, Claude Pirard, effectivement. Ouais, d'abord Croque-Vacances, c'est vrai que. Je crois que j'avais même le vinyle du générique, hein, Croque-Vacances, si je ne m'abuse. mais ça, et c'est justement là, du côté des vinyles, peut-être qu'il y a aussi, c'est un peu coupable. parce que j'en avais énormément. Donc déjà un espèce de comment dire de compilation de chansons pour enfants. Genre On entend le coucou, Louis es-tu, chanté par Dorothée, d'autres membres de Récréa 2. Alors je sais plus si c'était Ariane ou Zabou qui était dans le tas avec avec les autres, mais bon voilà, il y avait ça, il y avait le Krakoukas des Schtroumpfs qui était raconté par Dorothée. Ça fait partie des trucs, bon, j'oserais pas les sortir aujourd'hui quoi. J'avais aussi le générique des Maîtres de l'Univers. J'avais deux génériques des Maîtres de l'Univers en fait. Ah. J'avais la musique orchestrale qu'on connaît tous et la chanson chantée par Alain Chauffour. Alain Chauffour. Je les écoutais en boucle, hein, n'empêche, ces saletés, hein, quand j'étais petit. C'est quand même bof. Bah, c'est bof. Quand on y pense, c'est pas génial pour former un esprit qui sera un jour adulte. Oui, mais bon, après, à notre époque, ça correspondait au standard et au canon de ce qui passait. J'aurais pu mal tourner, je pense. À cause de ça, j'aurais pu mal tourner. T'aurais pu finir avec des pectoraux énormes et puis des combinaisons moulantes et à lever une épée en disant par le pouvoir du crâne ancestral et transformer ton chat en chat de combat. À l'époque, j'avais des chiens. J'avais juste des chiens. C'est plus adapté en termes de taille. Je pense que Montekel en Kringen, ça aurait été parfait. Bon, et en termes de séries, donc on a cité Maggie, mais il y avait des séries américaines, puisque forcément on a tous été bercés. Alors, oui, on a cité aussi Wonder Woman. T'en as quelques-unes que tu voudrais mentionner qui ont meublé un peu tes temps libres. Les années 80, c'était tellement bien pour ça, mais tu sais, L'homme qui tombe à pic, Manimal. Fantastique Manimal. Alors Manimal, la série où on a l'impression qu'il y a eu des centaines d'épisodes, mais en fait il y a eu une seule saison. C'est vrai? Une seule saison parce que coûtant trop cher et terminé. Voilà, je me souvenais absolument pas de ça. J'en ai pas vu beaucoup, hein, mais je trouvais ça génial à chaque fois que je regardais. Ouais. Je m'imaginais parfaitement être capable de me transformer en ours ou en guépard. Toi aussi, t'as tordu ta main, je vais me transformer et tout. J'ai essayé, effectivement. mais il y en avait plein. Matthew Stone. Mais c'est marrant que tu cites Manimal dans les premières quand même, parce que c'est quand même une série où ça mériterait tellement, mais alors tellement aujourd'hui un reboot ou un remake ou je ne sais quoi. Bah, surtout avec la technique actuelle, ce serait quand même autre chose, parce qu'à l'époque, bon, c'était un peu la panthère, ça allait, mais c'est vrai que l'aigle et tout ça, c'était un peu moyen. Oui, ça se voyait quoi. On voyait les coupures, mais c'était moyen. C'était pas grave, mais il y avait aussi, enfin, après c'était un truc des années 60, mais le Zorro avec Guy Williams qui passait sa petite soir dans Disney Channel. Enfin, c'était des trucs que je pouvais pas louper quoi. Oui. Je pouvais pas louper. Après, il y en avait d'autres, qui étaient sur lesquels je tombais, mais c'était parce que voilà, ça passait dans La Nuit est à vous. Manimal passait dans La Nuit est à vous, et du coup, j'étais obligé de me coltiner vivement lundi ou Salut les homards, la série interactive là, qui était mais abominable. Mais bon, visiblement, ça fonctionnait, quoi. Vivement lundi, ça fait partie de mes plaisirs coupables. J'avoue, regardais. Mais par contre, oui, c'était du coup ton frère et ta sœur qui regardaient toutes ces séries ou c'est toi qui imposais Non, c'est moi, le samedi après-midi, quand j'allais pas jouer avec un copain, en général, j'avais la chance de pouvoir me mettre devant la télé et puis. J'ai passé beaucoup de temps devant la télé. C'est un peu ce qu'on se dit. Moi, j'arrête pas. Enfin, quand on reparle avec des amis de ça, on se dit mais comment on avait tout ce temps pour regarder autant de choses. C'est fou. Parce qu'il fallait quand même aller à l'école, quoi, à un moment. C'est ça qui est fou. Mais le samedi et le dimanche, je regardais le maximum de trucs à la télé. Et en choses qui te tiennent à cœur de ces années 80, alors tu as mentionné tout à l'heure un peu de football, donc c'est en même temps venant de Reims. Ouais. Hein, c'est logique. Donc est-ce que. On était en division 2. Hein. À partir du moment où je suis né, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'ils sont remontés, ils sont redescendus, le stade de Reims, il y a quelques années, avant de revenir là aujourd'hui en Ligue 1, et je les ai toujours connus en division 2. Le temps que je sois à Reims. Le temps de ma vie à Reims jusqu'à 24 ans, je n'ai jamais connu Reims. Je ne connaissais que le glorieux passé. Bah, disons qu'il y avait deux niveaux dans le football français, c'est-à-dire qu'il y avait le stade de Reims qui était plus dans les années 50, 60, et après il y avait Saint-Etienne plus dans les années 70. Donc c'est les deux clubs où énormément de monde en parle, mais finalement les plus jeunes n'avaient pas connu les périodes de gloire. Quoi. Malheureusement non, après mon père m'en parlait beaucoup, parce qu'il a eu la chance de jouer avec des vétérans justement du stade de Reims et de l'équipe de France. De temps en temps, ils faisaient des petits matchs avec eux. Et voilà, moi j'ai malheureusement, j'ai vu ça que sur des cassettes en noir et blanc, quoi. Ça fait partie de mes regrets d'être né un peu trop tard pour ça. Bon, bah alors justement, j'ai deux petites questions Stade de Reims pour toi. Alors le quiz football. Oui, aïe, aïe, aïe. Donc, première question. Oui. Quel objet faisait partie du logo du Stade de Reims en 1992 et a été retiré suite à la loi Evin? Bah, la bouteille de champagne. Évidemment. Ouais, ouais. Évidemment. Parce que, alors, ça je t'avouerai que c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, parce que j'ai un ami, Goran, qui est de Reims également. Et il m'a fait remarquer ça, effectivement, que c'est en juillet 92. En fait, ils ont créé le Stade de Reims Champagne. Ouais. Et puis, suite à la liquidation, voilà, ils ont été obligés de supprimer la bouteille à cause de la loi Evin qui est passée en 91. Et oui, bah c'était comme pour Mario Kart, je sais plus dans quel pays, où ils avaient retiré les bouteilles de champagne aussi. Bah oui, pour quand t'étais sur le podium. Exactement, ouais. Comme quoi, hein, saloperie de loi Evin, elle nous a même fait mal à notre Mario Kart. C'est ça. C'est affreux. Bon, deuxième question je suis. Ouais. Alors, je suis un attaquant français, né à Leyfrincouc. En 1933, je débute en amateur à l'US Normande avant d'entamer une carrière professionnelle riche de 369 rencontres de première division qui me mène entre 1952 et 1966 du Havre à Monaco en passant par le Stade de Reims que je rejoins en 1954. Mmh. D'abord ailier, j'évolue ensuite au poste d'attaquant intérieur et achève ma carrière à la place de 9,5 avec l'AS Monaco. Je remporte deux autres championnats et deux finales de Coupe de France avec donc l'AS Monaco et j'ai une sélection en équipe de France. Une sélection en équipe de France ? J'ai joué au Stade de Reims, je suis. Ah bah alors là, attends, une sélection en équipe de France, oui. J'ai du mal à voir là, parce que... Oui monsieur, une parce sélection. Parce que il y avait des évidences, tu vois, j'étais parti pour dire juste Fontaine. Non. Mon père trouverait immédiatement, évidemment, mais alors moi là, je sèche complètement, parce que... Eh bien je suis... Ah attends, peut-être je suis... Non, bah non, j'ai pas du tout. Il a un rapport assez proche avec, donc puisque ton deuxième club fétiche étant italien, c'est la Juve. Il a eu à entraîner un joueur qui, je pense, est le plus grand que la Juventus ait connu, au moins un joueur français, évidemment, mais voilà. Tu ne trouves toujours pas ? Non, là, je vois absolument pas. Tu vois, je suis Michel Hidalgo. Oh merde, putain, oui, c'est vrai. Oh, putain, j'avais contre-midié. Oh la vache, mais oui, Hidalgo, bah oui, il a été. Mais oui, tu m'aurais dit qu'il avait été sélectionneur après. Eh voilà. Oui, ben non. Ah ouais, Hidalgo, c'est vrai. Oh là là. Michel Hidalgo qui a joué à Reims entre 54 et 57. Effectivement, bah, il est arrivé. Il est parti en fait au moment où Reims a commencé à tout gagner, quoi. Ouais. C'est mauvais endroit, mauvais moment pour lui. Ouais, c'est un peu ça. Bon, après, il a gagné des choses avec Monaco, comme je l'ai dit dans la question, mais c'est vrai que bon, il a un peu raté son histoire avec le Stade bon, de il... ouais, mais non, bon, il a quand même fait quelque chose, mais par contre, effectivement, le fait qu'il soit sélectionné qu'une fois en équipe de France. Ah oui, ça, je n'étais absolument pas. Mais remarque souvent, des sélectionneurs qui font des grandes carrières de sélectionneurs ont très peu été sélectionnés en équipe nationale. Bon, alors écoute, ben, en termes de football, étant italien, donc j'imagine que la squadra, c'est... D'origine, attention, je suis français. Oui, pardon. J'ai pas envie italienne. De me faire... Excuse-moi. En 2017, je pourrais avoir des problèmes. Excuse-moi. Donc, d'origine italienne, donc ton équipe fétiche, c'est donc hormis la Juve, c'est la squadra Azzurra. Ouais. Qu'on appelle plutôt la nationale, hein, okay, italien. Squadra Azzurra, en fait, je crois que c'est les supporters français hein, qui l'appellent comme ça uniquement. Donc, est-ce que tu as eu des souvenirs, tu nous disais, avec ton père et ton frère de matchs dans les années 80 ? Des matchs en eux-mêmes, pas tellement. C'est surtout qu'en fait, en 82, première Coupe du Monde que je vois de mes yeux, c'est l'Italie qui gagne. Et disons que déjà à l'époque, quand les matchs avaient lieu, je pouvais sentir l'excitation de mon papa qui est très passionné hein, quand il s'agit de l'Italie qui joue. Quand c'est pareil, quand c'est le Tour de France, si c'est des Italiens qui sont en tête du peloton, très réactifs. Donc ça, j'ai hérité ça un peu de lui. Et ouais, la Coupe du Monde 82, c'est une Coupe du Monde exceptionnelle que j'ai regardée des dizaines de fois avec lui. Il y avait à la fin de la Coupe du Monde, il y a eu un résumé fait par Thierry Roland qui dure un peu plus d'une heure, qui résume vraiment la Coupe du Monde de bout en bout. Et on se l'est regardé des dizaines de fois avec aussi la vidéo de la finale contre l'Allemagne. Et bah, ça aide pas à faire abstraction du sang italien qu'on a dans les veines. Hein. Donc quand on voit le parcours de l'Italie, quand on voit les joueurs qu'il y avait dans cette équipe, parce que c'était quand même une sacrée équipe. Hein, et bah ouais, bah du coup, c'est forcément. Puis avec Michel Platini plus tard qui va arriver à la Juve. Ah bah c'est juste, oui, c'est dans la foulée quoi. C'est quand il est trois fois Ballon d'Or. Pour moi, le joueur, vraiment, le joueur. Le joueur important de l'époque, tu vois, autant il y avait Maradona qui était dont on parlait beaucoup, il y en avait beaucoup de joueurs dont on parlait beaucoup, mais Platini était. pour beaucoup, même devant Socrates, le meilleur joueur du monde, quoi. Et bah voilà, une fois qu'il arrive à la Juve, c'est foutu. Ça devient obligatoirement le club. Le club, préféré, comme j'aime l'équipe d'Italie. Hein. Bah moi, de toute façon, la Coupe du Monde 82, en tant que supporter français, s'est arrêtée à Séville. Donc c'est vrai qu'après, ça a été plus calme. Même si j'étais pas mécontent que l'Italie l'emporte en finale. Rien que pour venger. Pour venger, ouais. Voilà. J'aurais bien aimé voir France-Italie avec Paolo Rossi et toute l'équipe, effectivement, Bergomi. Moi, j'adorais Bergomi, en fait. Ah, moi, c'est parce qu'il a des gros sourcils comme moi, mais... Moi, c'est le Romain, comment il s'appelle, Bruno Conti. Ah. Bruno Conti, c'était un sacré bonhomme aussi, lui. Mais il y en avait plein qui étaient très, très bons dans cette équipe. Et oui, Rossi. Ouais. Rossi, c'était le destin, quoi. C'était le mec, il aurait même pas dû aller à la Coupe du Monde. Il se retrouve meilleur buteur. Il fusille l'Argentine et le Brésil à lui tout seul. Enfin, c'est des belles petites histoires au football, ça. Attaque, attaque, attaque, attaque. Suis bien, bleu, excité. Personnel, personnel. Quel personnel, on n'est pas au casino, là. Là dans le trognon. Eh bien, comme à l'habitude, hein. Donc parmi les autres choses qui te tiennent à cœur, donc j'imagine évidemment le jeu vidéo, ouais. Parce que sinon tu serais pas journaliste de jeux vidéo à l'heure actuelle. Donc on va pas tous citer toute ta carrière de joueur parce que sinon on y passe la nuit. Mais si tu dois garder en tête, un souvenir d'enfance sur un jeu vidéo précis, alors j'en aurais deux parce qu'il y a d'abord mon frangin qui m'emmenait au troquet à côté de la maternelle pour me faire jouer à une borne d'arcade qui s'appelle Kangaroo. Je montais sur mon tabouret et j'y jouais, j'adorais ça. C'était une espèce de Donkey Kong, Donkey Kong-like. Mais sinon, après, c'était. J'ai eu une obsession pour un jeu qui s'appelait Bad Dudes versus Dragon Ninja, un beat'em up, beat'em all, je sais pas comment on l'appelait à l'époque, vu en 2D. Beat'em all, je crois, non, parce que. On l'appelait pas ça beat'em up à l'époque. Bah, beat'em up, c'est l'appellation européenne, a priori. Bah écoute, je crois que sur la boîte c'était marqué ça, en fait, c'est pour ça. Et moi, je l'avais sur NES, ce truc-là. Toi, c'était en arcade ou c'était... Non, c'était sur ordinateur. Alors, c'était sur ordinateur. C'était sur... En fait, c'est sur l'Atari ST de mon plus vieux pote, qui est Guillaume Brière du duo Electro The Shoes, un petit groupe qui cartonne pas mal depuis quelques années. Il avait un Atari ST et on a passé beaucoup de temps sur Dragon Ninja. On a passé énormément de temps, surtout le niveau avec les camions. Là, j'allais te dire, moi, je me souviens de ce jeu pour le niveau sur les camions. Ben voilà, parce que le saut était... pourri. Ah, mais pourri de chez pourri. Et la commande de saut en allant vers le haut, donc, y avait une chance, je pense, sur 10 de réussir à passer entre les camions. Exactement. Et c'est pour ça qu'il m'obsédait. Et en même temps, je trouvais chouette, quoi. C'était vraiment un super jeu, mais voilà. Malheureusement, j'ai jamais réussi à le finir. D'ailleurs, il faudra peut-être que je m'y remette un de ces cas. Ah, pareil, moi, il faudrait que je ressorte la NES aussi pour le refaire. Donc voilà, c'est un de mes souvenirs, un de mes meilleurs souvenirs, je pense, en jeu vidéo. Et sinon, en termes de jouets, alors, est-ce qu'il y a des jouets que tu as eu et que tu ne désirais pas? Je sais pas, un jouet vraiment, vraiment pourri, tu dis, oh mince, non, c'est pas ça ce que je voulais, tu peux le redonner au Père Noël, j'en veux pas. Ah non, ça m'est jamais arrivé, ça. Jamais arrivé, ça. Ah non, ça va, j'ai toujours eu droit à... Enfin, j'étais trop gâté, en étant le petit dernier de la famille, le petit... T'as pas hérité des jouets de... Non, avec 9 ans d'écart, quand même, ça commence à faire. Bah les Big Jim ont dû appartenir à mon frangin. Oui, cela dit, oui, c'est vrai. Puisque ça, on va dire que c'est le premier gros jouet dont je me rappelle, les figurines Big Jim, que, d'ailleurs, une passion qu'on partageait encore une fois avec mon pote Guillaume, puisque lui, il avait la base des Big Jim, du coup, j'ai voulu avoir aussi. Mm-hmm. Il y avait le Big Jim qui changeait de tête avec 3 têtes. Là. Ah, moi, j'avais la valise marron là, avec les 3-4 têtes, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où tu remontais le bras et la tête tournait, ouais. Ouais, bah voilà, bah ça, je l'ai eu aussi. Il y avait un. Alors, je sais plus si c'était avec le Big Jim qui avait, comment dire, une œillère. Ah, mais oui, un monocle, là, c'est ça. Ouais. Là, ouais. Non, une œillère. Ah oui, une œillère. C'était un Big Jim à part. Hein. Oui. Mais il me semble que lui, c'était lui qui avait un sac à dos, en fait, qui. T'avais une petite ficelle à tirer et ça débobinait un message à chaque fois. Un message différent. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être 4 ou 5. Hein. Mais il y avait une des répliques dans le sac à dos que j'adorais qui disait cours, je te couvre. et j'aimerais tellement retrouver ce truc parce qu'il est foutu maintenant. Ouais. Je l'avais retrouvé. Hein. Il était toujours chez ma mère. Il est foutu, le sac à dos. Mm-hmm. Et j'aimerais bien retrouver ce truc-là parce que vraiment, c'était des barres de rire, quoi. Quand je l'avais fait. Je l'avais fait découvrir des années plus tard à mon meilleur pote. On avait trippé dessus comme des fous. Et ça, c'était, c'est vraiment fait partie de mes jouets, mais cultes, mais vraiment cultes. Mais après, j'en ai eu tellement quand j'étais petit. Enfin, c'est scandaleux, quoi. Aujourd'hui, je me dis que vraiment, j'étais un peu trop gâté. Et je pense que je ne gâterai pas mes enfants comme ça. D'accord. Non, si, je les gâterai quand même, mais peut-être pas à ce point-là. Mais après, voilà, c'est pareil pour Ghostbusters, j'en ai eu des tas. J'ai toujours. Alors, il me semble qu'un de vos podcasts, il y avait une image de garde comme ça, où on voyait. Le Bibendum Marshmallow, ouais. Que j'ai là devant les yeux, pour tout avouer. Toujours d'époque, 87 d'accord. ou 88, je crois. D'accord. Tout comme Bouffetou, d'ailleurs. Le fameux Bouffetou apprivoisé pour dans le dessin animé, et ce qui est ridicule. Ouais. Enfin, bref, on avait eu le débat, parce qu'on avait reçu Patrick Helio à l'occasion de ce podcast, et c'est vrai qu'on était tous d'accord pour dire que le fait de l'avoir intégré à l'équipe, et plus ou moins comme un animal de compagnie, c'était une hérésie. Enfin bon. Ah bah oui, mais bon, après la figurine est tellement jolie que je suis content de l'avoir toujours aujourd'hui avec moi. Et puis il adore les saucisses, et vu que tu mangeais des knackis quand t'étais petit, finalement la boucle est bouclée. Et puis, mais après c'est vrai que le truc où j'ai peut-être le plus collectionné, là on peut vraiment parler de collection à ce niveau-là, c'était les maîtres de l'univers. Là j'en ai eu, mais il y en a même je pense que personne ne connaissait leur existence, ne serait-ce que dans le dessin animé. Parce que, et attention, parce que j'ai aussi acheté les trucs de She-Ra, parce qu'il y a eu le film de She-Ra. Bien sûr. Le mec avec la moustache et le petit cœur rouge là, avec son arc. Ah ben, je l'avais. Oui. Je l'avais. J'avais She-Ra et j'avais lui. J'avais obligé ma sœur à m'accompagner au ciné pour voir le film. Parce qu'avec le Club Musclore, j'avais droit à des places gratuites. oui, j'étais au Club Musclore. J'avais tampon Musclore, un petit bracelet de force Musclore. Justement, pareil, on a fait un podcast sur les notamment. Non, on a parlé des jouets, donc du top des jouets, enfin des figurines Musclore. Mm. Et on parlait de ce bracelet de force et on se demandait si c'était pas justement ce que t'avais avec le club. Donc, tu vois, tu nous le confirmes. Si. Donc, on avait un petit bracelet. Cette émission prend son sens à la minute où nous devons te parler. Le mystère est dévoilé. Et j'en avais plein, mais alors tellement. J'en ai donné quelques-uns d'ailleurs. À mon pote Joe Hume de WeFM, il n'y a pas longtemps, je lui ai donné des trucs, surtout des persos de Hordak et du film. Ah, le Hordak, j'en ai pas mal, et j'avoue, j'ai pas encore Hordak, il faudrait que je m'en retrouve un en vide grenier, parce qu'il est. Je suis la team Skeletor, hein, moi j'adore Skeletor, mais Hordak était marrant aussi. Ah, Hordak, il y avait un des jouets où il avait un espèce de canon dans lequel tu fichais différents, je vais pas dire projectiles, mais différents embouts, quoi. Mm-hmm. Je crois qu'il y avait un truc avec trois boules, un autre avec. Qui faisait un peu comme une espèce de cage. Enfin, c'était bizarre, mais j'en avais tellement. Il y avait un monstre aussi, avec toutes les parties du corps qui étaient disloquées, et que tu pouvais le remonter comme tu voulais, quoi. T'avais deux têtes, quatre bras. Mais je crois que les plus grosses prises que j'ai faites, c'était dans un prise unique, dans l'Aisne, de là où viennent mes parents. Et j'avais réussi à trouver le roi, le papa d'Adam, et deux autres dont je me rappelle plus les noms. Je crois que peut-être qu'il y en a un qui s'appelait Jitsu, mais je suis pas sûr. Il y en avait un qui était un gros moustachu, barbu, avec un gros poing. En métal, et l'autre c'était une main à plat, pareil, une grosse main à plat à droite, sur sa main droite, ouais. Et ça, c'était des trucs, je pense que personne ne pouvait les avoir en France à part moi. Ah oui, ça me dit rien pour le coup. Il y en a eu des tonnes de figurines, effectivement, et puis il y en a toujours d'ailleurs, c'est ça qui est fou. Et ouais, niveau jouet, j'ai été bien gâté, et j'ai jamais été déçu en tout cas. Bon, et alors les choses que tu aimerais oublier des années 80 ? Alors moi, il y a un truc, en fait. Je pense qu'il y a eu on a commencé à merder sur un truc dans les années 80. Et je pense que les publicités où on fout des femmes à poil pour n'importe quoi, il me semble que ça a commencé à cette époque-là. Bah là, il y a la fameuse campagne d'affichage à venir. Demain, j'enlève le bas et tout le bazar, là. Exactement. Déjà, là, je pense que ça a dû commencer avec ça. Et ça a merdé. C'est-à-dire que c'est parti dans tous les sens. C'est pour n'importe quoi, pour une pub pour le déo, pour une pub pour les Tahiti Douche, évidemment. Ma grand-mère disait à chaque fois, mais elle est obligée de montrer ses seins pour la pub pour le gel douche. Ça, c'est vraiment un truc, je me dis aujourd'hui, mais pourquoi ? Pourquoi on en est arrivé là, à ce moment-là ? Enfin, après, je sais pas, c'était les mœurs de l'époque. Hein. Il y avait évidemment le Colaro qui aussi proposait sa petite playmate quand même. À une heure de grande écoute, à 20h, juste avant le JT, y avait une fille qui se désapait pendant que quelqu'un chantait. Bon, voilà, c'est des trucs, quand j'y réfléchis aujourd'hui, trouve que c'est... Enfin, je sais pas, une fille à poil pour du yaourt, et ça continue, hein, encore aujourd'hui. Je trouve ça un peu... Ouais, un peu bof. C'est peut-être le truc qu'on aurait pu oublier dans les années 80. Ok. Et sinon, d'autres choses. Ouais, il y avait d'autres choses. Bah, tu sais, le fait... le fait qu'on ait des trucs comme viens boire un petit coup à la maison, ou des femmes, ou t'as le loup coco, tu vois, ce genre de chansons affreuses. Ah, des trois que tu cites, quand même, du rhum des femmes, je le mettrais à part quand même. C'est vrai ? Ouais, parce qu'il y a, je sais pas, il y a moins le côté, entre guillemets, beauf. Ouais, je sais pas. Le pire, c'est viens boire un petit coup à la maison pour moi, mais bon, après. Ah, ouais, bah, ça, c'est du délire, ça. C'est quand même. Mais ils sont restés un nombre de semaines en tête du top 50. Ah, mais ils avaient le record avant Jordi, je crois. C'était hallucinant. Enfin, bon, c'est fou, quoi. Ouais, mais ces genres de chansons où. Enfin, ouais, il y avait des trucs. Paul Prébois dans le clip et tout, quoi. Carlos aussi, non ? Et puis Carlos, enfin, bon. Ouais, clip dans la cuisine, enfin, bon. Ouais, Anna Paccaro, tout ça. Après, voilà, c'est. Bon, je sais pas, c'est une tradition française, peut-être, je ne sais pas, mais c'est ce genre de chansons un peu pourries. Ça ne m'allait pas quand je regardais le top 50, pour tout avouer. Mais bon, après, si tu veux, le truc que j'aimerais oublier, c'est qu'on a perdu Coluche, Balavoine et des proches dans cette décennie-là. Et que... C'est pas pour les mêmes raisons, mais effectivement, non, oui. Ça, je t'avoue que, ouais, ça, en y réfléchissant, encore une fois, j'aurais préféré que ça n'arrive jamais. Enfin, en tout cas, pas à cette époque. Oui, voilà, plus tard. Ouais, beaucoup plus tard, comme disait Thierry Roland, pas aujourd'hui, le plus tard possible, mais... Voilà. Mais on peut, enfin on peut pas, enfin... Ouais. Alors, ta chanson culte des années 80, alors, quelle est-elle ? J'en avais une en tête, enfin une que tout le monde a eu en tête de toute façon dans les années 80, à cause d'une pub pour Heineken. Mm-hmm. C'était Every Kind of People de Robert Palmer, mais je sais qu'elle date de 78. Donc oui. Du coup, j'en ai une autre que j'aime de tout mon cœur, vraiment. Encore aujourd'hui, je pense que c'est une des plus belles chansons de tous les temps. Mais elle est spéciale, quoi. C'est Slave to Love de Brian Ferry. Pour moi, c'est les années 80 du début à la fin. Le rythme de la chanson, la sonorité, enfin les instruments qui sont utilisés, et puis les petits bruitages un peu kitsch. Toi, t'as un espèce de bruit de hibou à un moment, tu sais pas pourquoi, t'as un bruit d'orage, tu sais pas pourquoi non plus. C'est une espèce de chanson un peu mystérieuse qui avait un clip qui était incompréhensible, en tout cas beaucoup plus que, je sais pas, que celui de Carice Whisper par exemple, où là on voyait Brian Ferry qui descend de l'avion, on voyait des filles, on le voyait lui chanter, puis tout d'un coup c'était les filles qui chantaient le refrain avec sa voix. C'était vraiment bizarre, quoi. C'était un drôle de chanson, des drôles de clips, et ouais, quand je l'entends aujourd'hui, franchement, ça me donne vraiment la nostalgie des années 80 quand j'entends cette chanson. Bon, bah écoute, on va s'en écouter un petit extrait, alors. C'est parti. Ah, cool. Alors en effet, c'est vrai que ça ou Last Christmas et le fameux clip avec les pulls, la soirée de Noël et oh là là. Aïe, aïe, aïe. Last Christmas. Ah oui, ça, c'est un des drames pour ma frangine, il faut que je le dise quand même, c'est qu'elle aimait beaucoup George Michael. Alors vraiment beaucoup George Michael. Et bah, disons qu'il y a eu un petit souci après par la suite. C'est qu'elle a appris la vérité. Eh oui. Elle s'en est jamais remise. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'était le cas. Et ouais, mais j'adorais aussi Wham et George Michael quand j'étais petit, je vais pas le cacher. J'écoute de temps en temps Everything She Wants. Ah oui, non, franchement, cachette. Michael, je pourrais peut-être mettre ça dans les plaisirs coupables aussi. C'est vrai, j'en ai un. Et j'aimais bien le clip de Carless Whisper, que j'aime bien employer de temps en temps pour les podcasts. Pour le boulot. Bon, alors après, je te propose un petit quiz. C'est pas moi, c'est lui. Alors, comme tu le sais, donc, alors je te l'ai dit tout à l'heure, moi je pensais que Gianni Molinaro c'était un nom d'emprunt et qu'en fait tu t'appelais Robert Duval ou je ne sais qui. Non, mais en fait, ça pourrait être Jean Moulin si on traduit. Voilà. Et bah, du coup, j'ai tu te doutes qu'il y a quelques homonymes. Mmh, oui. Je les connais. Voilà. Alors, déjà, moi, j'en ai retenu deux. Ouais. Donc, j'imagine que le premier, on est tous d'accord sur Édouard Molinaro. Ah, bah oui, qui ça se trouve est de ma famille. Eh bah, ben, on ne sait pas. Alors, voilà, non. Peut-être. Il faut que tu creuses. Tu sais, comme quand tu seras vieux, tu iras aux archives, tout ça, tu feras des arbres, la généalogie, tout ça. Mmh. Activité. Ouais, mais on ne sait pas. En fait, c'est de la famille ou non, mais normalement, ça vient du même coin. C'est des Molinaro, il n'y en a pas beaucoup. Malencontreusement disparu en 2013, Édouard Molinaro. Je vais te poser deux petites questions sur lui. Est-ce que tu es calé en Molinaro, Édouard Molinaro? Alors, honnêtement. Non, mais ça va, c'est des questions. Hormis la cage aux folles, Beaumarchais, H. Alors, ma première question, est-ce que tu as cité trois films qu'il a réalisés? Comment? Trois films qu'il a réalisés. Ah, bah, L'Emmerdeur, oui. La cage aux folles, okay. Et puis Beaumarchais. C'est bon! Bah oui. C'est validé. Et la deuxième question. Mm-hmm. Quel film des années 80 n'a pas été réalisé par Édouard Molinaro? Oula. Alors, je te donne trois choix. Vas-y. Pour 100 briques, t'as plus rien. Oh putain, je l'ai regardé des dizaines de fois. Les héros n'ont pas froid aux oreilles. Uh-huh. Et Viens chez moi, j'habite chez une copine. Eh ben, je dirais que c'est Viens chez moi, j'habite chez une copine. Mais je ne suis pas sûr. C'est ton dernier mot, Gianni? Ouais. Oui, oui, parce que... Là, franchement, j'en ai aucune idée. Eh bien, c'est bon. Ah, bah tu vois, comme quoi. Alors moi, je sais pas toi, mais moi, ce qui me frappe, c'est le côté imagé des titres des films de cette époque. Ah bah oui, bien parce sûr. C'est vrai que, enfin, le Pour 100 briques, t'as plus rien, je l'ai vu, mais... Pff. Ah, moi aussi. Pareil. Ah là là, mais attends, mais alors, encore une femme dont j'étais amoureuse, Elisa, ouais. Servier. Elisa Servier. La blonde. Donc justement, ah, là-dedans, il y avait un magnétoscope Betamax. Et donc, notre ami Daniel Auteuil, mm-hmm. Elle est hôtesse dans une agence de voyage. Mais elle était toute jeune, ça y est, oui. Ah ben oui. Et du coup, bon, bah, elle leur demande de partir et bon, bah, il fait ce qu'il faut pour rester, quoi. Ah, oui. Et j'avoue que c'est bon, on reste. Et franchement, oui, non, c'est un film que j'ai vu, ouais, pareil. Mais c'est un monument, ce truc. On devrait le montrer à tout le monde aujourd'hui encore. Au lieu de repasser la grande vadrouille, repassons pour Cendric, t'as plus rien. Bon, et puis alors, bah, du coup, deuxième homonyme. Ouais. Donc toi, t'en as d'autres en magasin que tu peux ouais, j'en connais. Alors... Après, il y en a un qui est plutôt années 70 que années 80. Mais nous, on l'a peut-être beaucoup vu dans les années 80. Il est plutôt gros, il a un nez bizarre. Ouais, alors vas-y, dis-moi, tu penses à qui? Et il jouait dans Happy Days. Oula. Ah là, tu connais pas celui-là. Non, comment... Ah non, je le... Ben c'est Al Molinaro. Oui, Al Molinaro, oui. Ouais. Oui, le celui qui gérait le drive-in. Enfin, le il s'appelait chez Al. Ouais, enfin, chez Al, exactement. Ouais. Il gardait son prénom dans la série, il avait de la chance. Le gros Al. Et voilà, moi c'était à lui que je pensais en deuxième. Eh bien non, moi j'ai Umberto Molinaro. Est-ce que tu connais Oula. Umberto Molinaro? Ah, pas du tout. Alors, Umberto Molinaro, c'est un architecte français. Oula. Qui s'est mis en tête de décrypter le phénomène des... agroglyphes. Est-ce que tu sais ce que c'est que les agroglyphes? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Je ne connais pas d'Umberto Molinaro. Alors, les agroglyphes, en fait, est-ce que tu aimais Led Zeppelin? Ah bah oui. Les crop circles, comme on les appelle. Bah oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est dingue. Eh oui. Donc, alors là, non mais là, c'est vraiment, mon cerveau va exploser. Je te vois. Le reveal. Led Zeppelin est mon groupe préféré. Bah voilà. Donc, du coup, là, tout s'explique d'un seul coup. Alors, je ne connaissais absolument pas Umberto Molinaro. Eh ben voilà. Donc, c'est quelqu'un qui tente de donner des raisons autres que des gens qui font ça pour le côté artistique. Ah, il pense vraiment que c'est les extraterrestres. Honnêtement, j'ai regardé 2-3 vidéos de ce fameux Umberto Molinaro. Il est un petit peu perché, le monsieur. Mais c'est fort possible. C'est très très possible. Voilà. Donc c'est vrai que Umberto Molinaro, c'est voilà, c'est ça m'a fait rire. C'est celui que je connais le plus. Je me suis dit, je vais le... Mais toi, tu m'as donné Al Molinaro, donc comme ça, c'était un échange de bons procédés. Ok, bon, bah écoute, Gianni, notre émission touche à sa fin. Je pense qu'on a pu découvrir le petit Gianni Molinaro et même le grand avec ce qu'il a gardé de cette époque bénie des années 80. Bah, il va me rester à te remercier vraiment chaleureusement d'être venu, en espérant que... Ah, c'est moi, c'est un honneur d'être invité... C'est la première, hein, je me plante pas. Ah oui, de Itisez-vous, c'était le premier numéro. Après, nous, on en est au voilà, on a à peu près 35 numéros d'80s de podcast et des cadeaux bonus, donc qui sont des émissions, on va dire, de format plus court. Et puis, bah, de toute façon, on sait jamais, hein, pourquoi ne pas t'inviter pour un épisode, un gros épisode sur un sujet que t'affectionnes, puisque, comme on vient de l'entendre pendant cette émission, tu m'as l'air quand même assez sensible à toute cette époque, donc ce sera avec plaisir qu'on te recevra. Faut en profiter tant que ma mémoire n'est pas trop en gruyère, hein, parce que là, ça commence à se dégrader, c'est affreux. Ah ouais, c'est l'obsolescence programmée. Exactement. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Bon, bah écoute, Gianni, bah, je te propose qu'on se quitte sur le générique de Vivement Lundi, puisque, hein, comme tu l'as dit, t'adores. Hein. Oh, pitié. Donc, bah écoute, Gianni, merci, merci pour tout. Et puis, bah, chers auditeurs, auditrices, à très bientôt pour un nouvel épisode d'80 le podcast ou un cadeau bonus. Je vous dis à ciao et à bientôt. Salut, salut.